ni son tempérament, sa volonté, c'est que l'humanité ignore ses œuvres, sa volonté, donc l'homme ne comprend Dieu que faiblement et mal. Dès la création de l'homme, l'être de Dieu, sa volonté, ses possessions, son tempérament, était ouvert à tout le monde et ouvert à tous. En d'autres termes, pendant que Dieu cache sa personne, il est aux côtés de l'homme à tous.